around. Lyrical master, chronic Buddha smoker, insane in the brain since I'm a fucking soldier. I'm with lyrical weapons. What the fuck's happening when I'm coming down like this? Once again with my methods. 420 hooked up with the HIV. Once again, stone cold on the motherfucker beat. Still not giving a fuck, like it fucked that shit up. You remember the bomb track that was driving us nuts? I'm driven by emotions, smoking on my potion. Gonna rock this motherfucker place from ocean to ocean. What's that commotion? Everywhere I see explosions, hitting your fucking brain up and down your cerebellum. That's why my name's aka Red Rum. So when I'm coming out, you better load up your fucking gun. That's a side of me you cannot see, unless you push me to the limits or you fuck with me, bitch. I'm not rich, I don't have a chick. I got skills, I got a fucking full room of green shit. Like this and like that, all you motherfucking wax, better lay down on the floor, get the fuck off my back. Yeah yo, bomb rush style that I zone. Yeah yo, bomb rush style that I zone. J'suis style de gars. Je me partirai un club, ça s'appellerait le bot roulant. Même en me saoulant, c'est ça l'effet saoulant. C'est pas un fait saignant, ça fait longtemps que j'étais dépendant. Yo Foy, je veux du pot et back and forth. J'suis back and score, qu'est-ce que je fais ton package store? Hey gars, j'ai pas de villa, style de riche, j'ai pas de villa. Ça fait longtemps que je sais que par chez nous y'a pas d'Elba. C'est pour ça que quand je t'ai que c'est murderer, qu'est-ce que bouge de là? C'est du rap comme t'en as pas, lyrical pis gros dégâts. C'est pas du flow du calibre, j'fais mon shit pis plus gros qu'Hiroshima. Y'a le break, y'a quand le crowd zone pis y'a l'autre side smoke. Avec du beat down pis un up and smoke. C'était pour 20 THB après un crise de bat. C'est pas fini mon chum, rendez-vous pour le nouveau track. Yeah yo, bomb rush style dans ta zone. Yeah yo, bomb rush style dans ta zone. Hey yo, bomb rush style dans ta zone. No bomb rush production, 2002, word up. Yo, you know how the shit gets done? Kateka production, yeah.